Sur cette chaussée, deux voies sont affectées à mon sens de circulation. Je suis protégé par la ligne continue. Aucun véhicule ne peut arriver en face. Pour dépasser, je dois m'assurer que la manœuvre n'occasionnera ni gêne ni danger pour les autres usagers qui me suivent. Ici, j'aperçois un véhicule qui a signalé son intention de dépasser et circule déjà dans la voie de gauche. Je dois rester dans la voie où je suis et attendre un moment plus favorable pour dépasser. Réponse B.